إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui avec le cours numéro 15 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala wal Bara fi al Kitab wa al Sunnah, et c'est la réalité de al Wala wal Bara dans le livre et dans la Sunnah. Et c'est écrit par le Cheikh Issam ibn Abdullah al-Sinani. Et il a été relu et préfacé par le Cheikh Al-Alim Al-Allama, Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan, Adwu Hayat Kibar Al-Ulama, wa Adwu Al-Lajnat Al-Da'ima Lil-Ifta. Donc, on a commencé au dernier cours, le point numéro 6. Et ce point-là, on a dit qu'il était divisé en 14 parties. Hein, et c'est en fait un chapitre ou un point qui clarifie certaines règles qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara et qui impliquent également une réfutation des Shubuhat, des gens qui font le takfir avec ignorance ou bien qui exagèrent dans les questions de takfir, c'est-à-dire qu'ils font le takfir sans connaissance et sans prendre en considération les principes et les règles de l'islam et de la charia. On a parlé du point numéro 1 dans le dernier cours. On a expliqué le premier principe, la première règle, c'est-à-dire que l'islam elle est venue donc pour établir le tawhid sur la terre et d'éliminer le shirk, mais en même temps elle a permis à ce que certains des kuffars parmi les asliyin, une fois qu'ils ont fait des ententes avec les musulmans ou des pactes avec les musulmans, eh bien, à partir de ce moment-là, ils sont acceptés. C'est-à-dire, on peut les laisser sur leur kufr et leur shirk tant qu'ils respectent ces ententes et ces engagements. Contrairement à, par exemple, certaines personnes qui s'imaginent qu'il faudrait exterminer et tuer tous les kuffars sur la terre sans exception, peu importe qu'ils aient une entente ou non. Et ça, c'est de l'extrémisme de la part de ces groupes, de ces individus qui ont l'idéologie des Khawarij parmi les takfirines contemporains et autres. Le point numéro 2 maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce qui a rapport avec le fait que l'islam a permis de faire des ententes avec les kuffars et les mushrikines et de s'établir des pactes, des trêves et des ententes de paix et des ententes avec eux internationales et des choses qui ont rapport avec ce genre d'entente, c'est-à-dire que le dirigeant des musulmans ou celui qui est dirigeant dans son pays parmi les dirigeants musulmans, il fait des ententes diplomatiques avec les pays des kuffars pour faire des trêves ou des pactes, des ententes de paix. Et le cheikh, il explique que on a le droit de prendre ces ententes et ces pactes avec les kuffars, même si dans les conditions de l'entente il y a une injustice pour les musulmans. C'est-à-dire que même si l'entente elle est désavantageuse pour les musulmans, c'est permis quand même pour les musulmans d'accepter cette entente, hein, et de respecter les clauses de cette entente une fois qu'ils l'ont acceptée. Donc il y a des gens parmi les ignorants, parmi les gens qui n'ont pas appris les règles de la charia, parmi les gens qui n'ont pas étudié, qui vont entendre ce genre de choses et qui vont être révoltés, et qui vont se révolter et se mettre en colère en entendant ce genre de règles. Parce qu'ils ne connaissent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissent pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissent pas les principes du Coran et de la sunna. Et donc eux, ils s'imaginent que dans toutes les situations et dans tous les cas, toutes les conditions qu'on fait, s'il y a une trêve, même parfois il y en a qui rejettent même qu'on puisse faire une trêve ou un pacte ou une entente avec les kuffars, il y en a qui pensent que c'est complètement interdit. Et il y en a, ça c'est de l'ignorance, et il y en a d'autres qui pensent que si on fait un pacte ou une entente, il faut toujours que ce soit à l'avantage des musulmans à 100%. Et que s'il y a un désavantage quelconque, ils s'imaginent automatiquement que cette entente, elle est fausse, ou qu'elle n'est pas valable. Donc le cheikh, il explique ce principe-là, et il donne même des exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa sunna, comment les choses se sont passées. Donc le cheikh, il dit, « Al-Islam abaha mu'aqadata wa mu'ahadata al-kuffar, walau ala shurutin fiha hayf ala al-muslimin. إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمسلمين كدفع ضرر عنهم خاصة عند الضعف والعجز وأوجب حفظ العهد الذي بيننا وبينهم إذا وفوا بعهدهم وذمتهم قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. نعم. Donc le cheikh, il commence en disant que l'islam a permis de faire des ententes, des contrats, des pactes avec les kuffars, même si dans ces contrats et dans ces ententes et dans ces pactes il y a des conditions qui sont injustes envers les musulmans. Et ça, c'est à partir du moment qu'il y a, dans ces conditions, dans ce pacte qui est injuste envers les musulmans, il y a un bienfait quand même qui est plus grand pour les musulmans. C'est-à-dire que dans ce pacte, même s'il y a de l'injustice, ça va quand même faire en sorte que ça va repousser un plus grand mal pour les musulmans. Et ça, c'est en particulier dans les situations où les musulmans sont faibles, hein, et lorsque les musulmans sont dans l'incapacité de se défendre ou qu'ils n'ont pas suffisamment de force. Donc dans ce cas-là, ils vont prendre ces conditions-là et ces ententes-là, même si c'est désavantageux pour eux. Et il est obligatoire de préserver et de garder les règles et les clauses de ce pacte, de cette entente entre eux et nous, c'est-à-dire entre les musulmans et les kuffars, et de respecter ces ententes-là, hein, et de leur rendre leurs droits et de respecter les ententes qu'on a prises, tant que eux également respectent ces ententes et ces droits. Mais juste pour faire un commentaire par rapport à ce que le cheikh il dit ici, c'est de voir que en fait les musulmans ont toujours pris en considération la situation des musulmans de façon générale, c'est-à-dire que on tient compte de l'état de force ou de faiblesse des musulmans, tandis qu'il y a des individus parmi les musulmans, soit des ignorants ou soit des gens qui suivent leur passion parmi les jeunes bid'a, qui eux pense que peu importe la situation des musulmans, que ce soit qu'on soit faible ou qu'on soit fort, pour eux ça doit toujours être la même chose qui est appliquée et qu'on doit toujours agir de la même manière dans les deux cas. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à la sagesse, hein, et qui est contraire au bon sens et qui est contraire même à la charia. Donc la charia nous ordonne de tenir compte de la situation dans laquelle nous sommes et de prendre en compte notre état de force ou de faiblesse. Hein? Et quand on parle de force et de faiblesse, on parle de force et de faiblesse réelle, hein, militaire. Et on ne parle pas seulement de force et de faiblesse sur le plan du nombre, de la quantité des musulmans. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais on est nombreux, on a de l'argent, il y a des pays musulmans qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Mais ce n'est pas juste sur ce plan-là. Il faut voir les choses de la manière plus grande. Et c'est pour cette raison-là que ce n'est pas tout le monde qui ont un mot à dire dans ces questions-là, mais c'est en particulier les musulmans parmi les ulama, hein, et les hommes de science et les responsables des musulmans qui, eux, sont capables et sont aptes à juger de la situation et de savoir déterminer quand est-ce qu'on est fort et quand est-ce qu'on n'est pas fort, hein, et quand est-ce qu'on est capable et quand est-ce qu'on n'est pas capable, et quand est-ce qu'on doit faire des ententes et quand est-ce qu'on ne doit pas en faire. Et c'est pas à des groupes ou à des partis islamiques, hein, ou à des individus à l'intérieur des pays musulmans qui n'ont pas d'autorité à commencer à essayer de vouloir déterminer ou dicter ou imposer aux dirigeants ou aux ulama qu'est-ce qu'ils doivent dire ou qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ces questions-là. Hein. Donc, le cheikh, il mentionne des preuves par la suite. Il mentionne le verset 4 dans Surat At-Tawbah. Dans Surat At-Tawbah. Et on sait qu'un des noms de Surat At-Tawbah, c'est justement Al-Bara'a. Al-Bara'a qui veut dire le désaveu. Al-Bara'a commence par un désaveu. C'est pour cette raison-là que la Surat s'appelle comme ça. Bara'atun min Allahi wa Rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen. Dans le verset 4, juste après les premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit « À l'exception des mushrikines avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. » Hein? Donc il faut que les musulmans respectent leur entente dans des cas comme ça. Et c'est pas comme certains s'imaginent que si par exemple un kafir parmi les kuffars dans la population par exemple fait quelque chose qui vient en contradiction avec le pacte, que le pacte au complet est annulé. Ce sera le pacte de cet individu-là en particulier qui a brisé son entente qui sera responsable, qui sera puni pour ça, mais pas toutes les kuffars au complet, ou bien ce ne sera pas le pacte qui est conclu en lui-même qui sera détruit. Ça, c'est certaines choses que certains ne comprennent pas. Le cheikh dit ensuite, « وقال ابن قدامة في المغني ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض. » وتسمى مداهنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز بدليل قول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وقال سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni. Et il dit, l'imam Qudama, que la signification de Al-Hudna, Al-Hudna c'est l'entente, la trêve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va donner comme entente ou comme pacte ou comme contrat avec les gens avec lesquels on est en guerre, si on a une guerre avec des kuffars et des mushrikines, on va signer avec eux un contrat ou une trêve, ou une entente, qu'on va laisser le combat, c'est-à-dire on va cesser le combat. Hein, comme des fois on entend parler, par exemple, de signer un cessez-le-feu, ou de signer une entente de paix, ou une trêve, ou un pacte, des choses comme ça. Tout ça, ça rentre dans cette catégorie. Et c'est de laisser le combat pour une période spécifiée, avec une compensation ou sans compensation. Et on appelle ça par différents noms, soit on l'appelle Mudahana, ou Muwada'a, ou Mu'ahada. Donc c'est des noms qui sont utilisés pour qualifier ce genre de pacte ou de trêve, hein, ou d'entente. Et ça c'est permis, le cheikh dit, ça c'est permis selon les preuves dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il cite le verset 1 dans surat At-Tawbah, qu'on a lu tout à l'heure, des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Hein? Et donc, vous pouvez lire ce verset-là, du verset 1 à 4, comme on l'a lu tout à l'heure, et le verset 61 dans surat Al-Anfal, qui est la surat juste avant, surat At-Tawbah, le verset 61 qui dit « Et s'il penche, ou s'il s'incline vers la paix, alors inclinez-vous vers elle, vous aussi. » Hein? Donc ça veut dire que lorsque les musulmans sont dans cette situation-là, qu'ils n'ont pas le choix, donc ils acceptent les ententes de paix. Et ils font une trêve. Rawa Marwan ibn Musawwar, ابن مخزمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال 10 سنين وقد يكون بالمسلمين ضعف فيهادلهم حتى يقوى المسلمون ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في إداء أو في أدائهم الجزية أو التزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح. انتهى كلامه. ومما يبين معنى الآية السابقة. Donc le cheikh explique que l'imam Ibn Qudama il dit ensuite que il a été rapporté que Marwan et Musawwar ibn Makhzama on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une entente de paix avec Suhail ibn Amr le jour de Al-Hudaybiyah, lorsqu'il y a eu l'entente de paix qu'on appelle Al-Hudaybiyah, et il s'est mis d'accord avec lui de cesser le combat pendant 10 ans. Donc il n'y allait plus avoir de combat pendant 10 ans par la suite. Le cheikh il dit pourquoi, parce que les musulmans, le cheikh il dit parce qu'il est possible que les musulmans aient une faiblesse, hein, c'est-à-dire qu'ils soient faibles et qu'ils n'aient pas la possibilité ou la capacité d'affronter les ennemis. Alors dans ce cas-là, ils vont faire une entente de paix jusqu'à ce que les musulmans soient plus forts et qu'ils soient capables. Et il n'est pas permis de faire cela excepté en regardant les musulmans et de voir leur état et leur situation, soit qu'ils sont dans une situation de faiblesse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de combattre, ou bien qu'ils aient l'intention d'utiliser justement cette période de paix dans le but de les inviter à l'islam, parce qu'ils espèrent que ces koufars et que ces mouchriquins-là se convertissent à la religion d'Allah, ou parce qu'ils souhaitent yani accepter de payer la jizya. Les koufars acceptent de payer la jizya, donc ils font une entente de paix avec eux, ou ils acceptent de respecter les règles de la religion, ou un autre d'entre les intérêts ou d'entre les bienfaits qui sont mentionnés dans les exemples qui sont mentionnés dans les paroles des ulama, qui font partie des intérêts et des bienfaits pour lesquels on peut faire des ententes avec les Kufar et Mushrikin. Et ça, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni. Ensuite, il dit que parmi les exemples, les choses qui montrent la signification des versets qu'on a mentionnés précédemment, il y a qu'est-ce qui a été rapporté dans plusieurs hadiths. Et il cite l'exemple du hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre الشروط روى البخاري في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ورواه ابن حبان وبوب له عليه وبوب عليه ذكر ما يستحب للإمام استعمال المداهنة أو المهادنة المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم وبوب عليه البيهقي بباب الهدنة على أن يرد الإمام من جاءه بلده مسلما من المشركين نعم donc le cheikh il explique il commence à dire que il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et il a l'imam al-Bukhari il a mis justement par rapport au hadith qu'il a cité à ce sujet là il a mis comme titre dans son livre le chapitre il a mis comme titre de ce chapitre les conditions dans le djihad et les ententes de paix avec les gens avec qui on est en guerre et l'écriture des conditions. Donc ça c'est le titre du chapitre dans Sahih al-Bukhari. Et également l'imam Ibn Hibban il les a mentionnés, il a cité ces hadiths et il a intitulé lui il a intitulé ce chapitre dans son livre par le titre suivant. C'est-à-dire la mention de qu'est-ce qui est recommandé à faire pour l'imam dans l'utilisation de l'entente, de la trêve entre lui et les ennemis d'Allah lorsqu'il voit une faiblesse chez les musulmans et qu'ils sont incapables de les affronter. Donc, dans le titre, on voit tout de suite les principes que les imams en question ont extrait de ces hadiths-là. Hein, et de c'est des règles qu'ils ont extraites, des hadiths qu'ils ont mentionnés dans le titre de leur livre et de ces chapitres-là. Donc ensuite, ils mentionnent aussi le fait que l'imam al-Bayhaqi, il a lui aussi dans son livre, lorsqu'il a mentionné ce hadith, il a mis comme titre de ce chapitre, le chapitre de la trêve. Et qu'il est obligatoire à l'imam de renvoyer les musulmans qui sont venus et de les renvoyer chez les mouchriquins. C'est-à-dire, s'il y a des musulmans qui viennent vers les musulmans, c'est-à-dire quittent les mouchriquins pour venir voir les musulmans ou pour venir se réfugier chez les musulmans, que les musulmans doivent rendre ce musulman aux mouchriquins. Hein? Et la raison pourquoi il mentionne cet exemple-là, c'est parce que cette condition-là faisait partie des conditions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait acceptées dans la trêve de Al-Hudaybiyah. Hein? Et c'est une condition qui était injuste pour les musulmans, puisque comment un mushrik, par exemple, comment un musulman qui est à la Mecque, qui se fait torturer ou qui se fait maltraiter par les mushrikines, Il s'enfuit pour venir retrouver les musulmans à Médine et nous, quand il arrive, on le remet au mouchriquin puis on dit ramenez-le avec vous. Hein? Donc, quand les musulmans ont entendu cette condition-là, ils n'étaient pas, satisfaits de cette condition au début. Parce qu'il y avait un désavantage pour les musulmans, hein? que les mouchriquins pouvaient garder les musulmans qui quittaient Médine pour aller vers eux, mais qu'ils devaient rendre les musulmans qui quittaient les mouchriquins pour venir vers les musulmans. On devait leur envoyer à la Mecque avec les mouchriquins. Donc ça, c'était une condition qui était dure pour les musulmans d'accepter. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa sagesse et avec la guidance qu'il a ramenée, il a accepté cette condition-là parce qu'il savait qu'il y avait un bienfait là-dedans à long terme pour les musulmans. Et effectivement, par la suite, ce sont les mouchriquins eux-mêmes qui sont venus pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annuler cette condition-là d'eux-mêmes. Hein. Mais tant que cette condition-là était écrite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a acceptée. Donc le cheikh, il mentionne les exemples du hadith en détail. Il dit وعن المسور ابن مخزمة c'est pas المسور, c'est المسور je me suis trompé. Donc c'est Anil Miswar ibn Makhzama, ibn Makhrama, pardon. Donc Anil Miswar ibn Makhrama wa Marwan fi qissat al-Hudaybiyya fi hadith tawil wa fihi fada'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-katib فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قضى الله عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. On va traduire jusqu'ici, puis après on va continuer. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui rapportait selon Al-Miswar et Marwan l'histoire de Al-Hudaybiyya dans un hadith qui est très long, et dans ce hadith il y a la mention du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé un scribe pour qu'il vienne écrire qu'est-ce qui allait être dit. Alors le scribe est venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit écris Bismillahirrahmanirrahim. Alors Suhail qui représentait les mushrikines dans cette occasion, dans cet événement, Suhail il a dit en ce qui concerne Ar-Rahman, par Allah je ne sais pas ce que c'est. Donc, il niait le nom Ar-Rahman, mais il a dit mais écris plutôt Bismikallahumma, c'est-à-dire Ô Allah en ton nom. Hein, en ton nom. Alors, les musulmans ont dit, par Allah, on ne va pas l'écrire autrement que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est-à-dire, certains musulmans qui étaient là, eux, ils ont insisté, ils ont dit, non, par Allah, on va écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, écris Bismikallahumma comme il t'a dit. Alors, le scribe a écrit Bismikallahumma. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué. Ceci est ce que on a pris comme entente avec le Mohammed, le messager d'Allah. Et Suhail a dit, par Allah, si nous savions que tu es le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas empêché d'aller faire le tawaf à la Mecque et on ne t'aurait pas combattu. Mais écrit à la place, Mohammed, fils de Abdullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, je jure par Allah que je suis le messager d'Allah. Même si vous me démentez, même si vous niez cela, même si vous refusez de l'accepter et que vous le démentiez, je suis le messager d'Allah. Il a dit au scribe, écrit Mohammed, fils de Abdullah. Parce que les mushrikoun refusaient de reconnaître la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était un messager. Mais malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ça. C'est-à-dire, il a accepté de ne pas l'écrire et il a écrit, il a écrit Muhammad, fils d'Abdullah. Alors, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les clauses, il a dit que vous allez nous laisser aller vers la Kaaba, vers la Mecque, pour qu'on puisse faire le tawaf. C'est-à-dire, vous n'allez pas nous empêcher d'aller faire la Umrah si on veut. Et ou d'aller faire le Hajj ou d'aller faire la Umrah, et de nous laisser, de ne pas vous mettre entre nous, vous n'allez pas vous mettre entre nous et la Kaaba. Alors Suhail a dit, par Allah, on ne veut pas que les Arabes commencent à dire que vous nous avez imposé des choses et que c'est par la force. Donc, vous allez pouvoir aller faire le tawaf ou d'aller faire la visite de la Kaaba, mais seulement à partir de l'année prochaine, pas cette année. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit, a ordonné au scribe d'écrire cette parole à partir de l'année prochaine. Donc, tout ça, c'est des, comme vous pouvez voir jusqu'à maintenant, c'est des conditions qui sont désavantageuses pour les musulmans. Depuis le début, on fait des, on a accepté des clauses qui ne sont pas à l'avantage des musulmans. Premièrement, on a accepté qu'ils écrivent Bismillahirrahmanirrahim au lieu de Bismillahirrahmanirrahim. Deuxièmement, on a accepté d'écrire Muhammad ibn Abdullah au lieu d'écrire Muhammad Rasulullah. Troisièmement, on demande d'aller faire le tawaf à la Kaaba, et eux ils disent non, pas cette année, l'année prochaine seulement. Donc tout ça c'est des conditions qui ont un désavantage pour les musulmans. Ensuite il dit فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ويرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المشركين بين أظهر المشركين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاديك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجزيه لك قال بلى فافعل فقال ما أنا بفعل قال مكرز قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المسلمين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك أن نأتيه العام قال قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به. Donc on va traduire jusqu'ici. Qu'est-ce que le reste du hadith mentionne? Ensuite, donc Suhail, qui représentait les mushrikines, a dit par la suite qu'il a mis comme une clause dans le contrat que si un homme parmi nous, c'est-à-dire un homme de la Mecque, quittait pour aller rejoindre les musulmans, il devait être renvoyé à la Mecque, même s'il était sur ta religion, c'est-à-dire même s'il est sur ta religion, dans le sens que même s'il est musulman, il doit être renvoyé à la Mecque. Alors les musulmans ont dit, subhanallah, comment on peut renvoyer quelqu'un au mushrikin alors qu'il est venu musulman, il est venu vers nous musulman. Et à ce moment, justement à ce moment-là, lorsqu'il parlait de ça, Abu Jandal ibn Suhail est arrivé et il était dans ses chaînes. Il était dans ses chaînes et il était sorti du bas de Mecca et il s'était, yani, il s'était lancé en plein milieu des mouchriquins et il s'est fait attraper, donc ils l'ont enchaîné et tout, mais donc ils sont arrivés, puis il est arrivé, puis il les a trouvés là. Et Souhail, quand il a vu ça, il a dit: oh Mohammed, celui-là c'est le premier que je prends comme exemple par rapport à qu'est-ce que je prends comme entente avec toi, que je retourne avec lui à la Mecque. C'est que ce soit lui le premier parmi les exemples qu'on veut prendre comme entente avec toi, par rapport à notre contrat, c'est lui le premier que je vais ramener avec moi à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: mais on n'a pas encore terminé de signer le contrat encore. Et Souhail a insisté, il a dit: par Allah, je ne vais plus jamais faire d'entente avec toi. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas que je le ramène avec moi, je ne vais plus faire d'entente avec toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui donner de lui donner Abu Jandal et de ne pas le reprendre. Il a dit: non, je ne te permets pas de le garder. Il a dit: allez, fais-le. Et il a dit: non, je ne veux pas le faire, je ne veux pas te laisser le prendre. Et donc Abu Jandal, qui était venu, qui s'était enfui de chez les mouchriquins, il a dit: oh les musulmans, je vais être renvoyé chez les mouchriquins alors que je suis venu musulman. Ne voyez-vous pas qu'est-ce que j'ai subi de la part des mouchriquins et comment j'ai été torturé et châtié chez eux, et il avait été châtié d'un dur châtiment, donc il avait souffert en Allah, et ensuite le hadith mentionne que Omar ibn Khattab radiallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là et lui a dit: oh messager d'Allah, il lui a dit, il dit: je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit: n'es-tu pas le messager d'Allah, le prophète d'Allah, n'es-tu pas réellement le messager d'Allah, le prophète d'Allah? Il a dit: certes, je suis le prophète d'Allah. Alors il lui a dit: alors, n'est-ce pas que nous sommes sur la vérité et que notre ennemi est sur la fausseté? Il a dit: certes, oui. Alors, Omar ibn Khattab a dit: alors dans ce cas, pourquoi on nous donne le désavantage dans notre religion? C'est-à-dire qu'on prend la position de bassesse, de faiblesse dans notre religion, dans ce cas-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas, et c'est lui qui me défendra. C'est lui qui me défendra. Qui va me donner la victoire. Donc, il dit: Qultu. Donc, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: n'est-ce pas que tu nous avais dit que nous allions aller à la Kaaba pour que nous puissions faire le tawaf? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant: certes, mais est-ce que je t'avais dit que ce serait cette année? Alors il a dit: non. Alors il dit: dans ce cas-là, sache que tu vas y aller à la Kaaba et que tu vas faire le tawaf. C'est-à-dire, en voulant dire: je n'ai pas dit que ça allait être cette année nécessairement. Alors le cheikh il dit: فَلَمَّا فَرَهَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وفي رواية للبخاري في باب ما يجوز للشروط ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جندل ابن سهيل إلى أبيه سهيل ابن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. Donc le cheikh il explique ensuite que lorsque ils ont fini d'écrire les conditions du pacte et du contrat, de l'entente, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, parce que là ils étaient en état d'ihram, hein, ils étaient là-bas avec leurs offrandes et ils étaient en état d'ihram avec les vêtements qu'on porte pour l'ihram, et il a dit à ses compagnons, levez-vous et égorgez vos sacrifices et rasez vos têtes. Il a dit, par Allah, il n'y en a pas un seul d'entre eux qui s'est levé. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le répète trois fois. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ça pendant trois fois et il n'y a personne qui s'est levé pour exécuter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens n'étaient pas satisfaits des clauses du contrat. Hein, ils auraient souhaité que les musulmans soient plus durs dans les clauses du contrat et qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas les compromis ou les clauses désavantageuses dans l'entente. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait son plan, hein, il avait son plan. Et donc le hadith mentionne ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu que personne ne s'est levé parmi eux, il est rentré chez sa femme Umm Salama. Et il a mentionné à sa femme ce qui est arrivé de la part des gens. Hein, c'est-à-dire que les gens ont refusé de lui obéir, de faire ce qu'il a demandé à ce sujet-là. Alors, Umm Salama a dit, « Oh, prophète d'Allah, est-ce que tu aimes cela ? Sors vers eux et ne parle à personne d'entre eux, ne leur dis pas un seul mot, et va sacrifier ton sacrifice et appelle ton barbier ou celui qui va couper tes cheveux ou raser ta tête, appelle-le pour qu'il te rase la tête. » Alors il est sorti, il a écouté le conseil de sa femme Umm Salama ici, parce que c'était un bon conseil sage, et donc il est sorti, il a parlé à personne et il a sacrifié son offrande et il a appelé la personne qui allait lui raser la tête et il a rasé sa tête. Et lorsque il a fait ça, les gens ont vu qu'il a fait ça, ils se sont tous levés et ils ont fait comme lui. Ils ont égorgé leur offrande et ils se sont rasés les uns les autres la tête. Jusqu'à ce qu'il ne restait plus personne qui refuse de le faire. Et il dit le hadith à la fin que ils étaient tous tristes en le faisant. C'est qu'ils n'étaient pas, contents ou satisfaits de ça, mais ils le faisaient avec beaucoup de. De tristesse. وفي رواية للبخاري، dans une autre narration de l'imam al-Bukhari dans le chapitre qui s'intitule ce qui est permis comme condition dans l'islam et comme règle et comme principe d'allégeance, il y a la mention suivante que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là a donné Abu Jandal ibn Suhail à son père, Suhail ibn Amr. Donc il a respecté l'entente qu'il avait prise avec Suhail ibn Amr. Il lui a remis, parce qu'Abu Jandal c'était le fils de Suhail, hein, mais il était musulman. Donc son père il l'a repris, il l'a ramené avec lui à la Mecque. Et il dit وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا. C'est-à-dire, il dit, il n'y a pas un homme qui venait rejoindre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque, excepté qu'il le renvoyait à la Mecque, il le renvoyait avec les mouchriquines, même si c'était un musulman durant cette période. Et l'exception à cette clause, à cette situation-là, c'est la situation des femmes. Hein? Lorsqu'une femme quittait la Mecque pour venir chez les musulmans, il ne la renvoyait pas. Parce que c'était pas dans les conditions. Et en même temps, il y a un verset qui a été révélé à ce sujet-là, c'est Surat al-Mumtahana. Hein, que lorsque une femme croyante vous vient, hein, alors éprouvez-les, voyez si elles sont croyantes. Si vous voyez qu'elles sont des croyantes, alors ne les renvoyez pas vers les koufars. Donc ça, c'était un exemple, une exception de cette règle. Le cheikh il dit ensuite, après avoir cité ce hadith, il dit أقول فانظر كيف عجز كبار الصحابة حاشا أبي بكر رضي الله عنه عن تحمل هذه مثل هذه الشروط حتى قال سهل بن حنيف رضي الله عنه كما في رواية للشيخين اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته رواه البخاري وهو في مسلم وفي باب في باب إثم من عاهد ثم غدر وقول الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Donc le cheikh il dit, regardez comment même certains d'entre les grands parmi les sahaba, excepté Abu Bakr, hein, ont eu du mal à accepter ou à supporter ce genre de conditions, hein, à un point tel que Sahl ibn Hunayf, il a été rapporté de sa part qu'il a dit, radiyallahu anhu, ça a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'il a dit accusez votre raison. C'est-à-dire, si vous devez accuser quelque chose, n'accusez pas la révélation. Accusez votre raison à vous, votre raisonnement, votre logique. Accusez votre raison à vous, votre opinion. N'accusez pas la religion ou le hadith, ou la parole du Prophète sallam, ou la parole d'Allah. Et là, il mentionne l'exemple. Pourquoi il dit ça? Il dit, si on m'avait vu le jour de Abi Jandal, si j'aurais été capable de rejeter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais rejeté. C'est-à-dire que il donne un exemple par rapport à qu'est-ce qui lui est arrivé le jour de Al-Hudaybiyah, qu'il avait du mal à accepter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ce jour. Hein, lorsqu'il y avait cette entente avec les mouchriquines qui était désavantageuse pour les musulmans, hein, il aurait même eu envie de rejeter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par la suite, tous les musulmans ont compris qu'il y avait eu du bien dans cette entente-là et que ça a été un bien pour l'islam et les musulmans. Hein, et ça a été une cause de l'ouverture du cœur de beaucoup d'entre les mouchriquines par la suite qui se sont convertis à l'islam pendant 10 ans. C'était 10 ans remplis de da'wah, remplis d'enseignements, remplis de ilm, remplis de bien. Hein? Et ça a fait en sorte que les musulmans ont augmenté en nombre. Hein? Et par la suite, ils ont pu reprendre la Mecque sans même qu'il y ait de combat. Et l'entente de paix, ce sont les mouchriquins eux-mêmes qui l'ont brisée. Ce ne sont pas les musulmans. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait sa sagesse dans l'acceptation de ce genre de règles. Il savait ce qu'il faisait. Ensuite, il mentionne ensuite Il dit que c'est rapporté par Al-Bukhari et il est dans Muslim, dans le chapitre. Le péché de celui qui prend une entente de pain puis ensuite la trahit. Hein? Et il a mentionné le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui prennent une entente, avec qui tu as pris une entente, puis qu'ils la brisent, qu'ils brisent leur entente à chaque fois et qu'ils ne craignent pas. Hein? Donc, ça c'est pour blâmer les gens qui manquent à leurs ententes et qui trahissent leurs ententes. Et pour le musulman, c'est quelque chose qui est très grave. Le fait de prendre une entente, que ce soit avec un musulman ou avec un kafir ou un mushrik, puis que par la suite, tu ne respectes pas les clauses de cette entente-là. Il y en a qui prennent ça à la légère et qui pensent que c'est pas grave, parce qu'il y en a qui disent « Ah, mais c'est pas grave, c'est des kuffars. » Hein? Mais ça, c'est justement, c'est encore plus grave. Hein? Parce que là, tu fais cette entente-là avec des kuffars, c'est au nom de l'islam. Hein? Tu le fais, tu représentes l'islam, tu représentes la religion d'Allah, puis tu la trahis. Donc ça donne une mauvaise image, non seulement de toi-même, mais ça donne une mauvaise image des musulmans et de l'islam. Hein? Donc le cheikh il dit ensuite, وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي وَذَكَرَ انْقِسَامُ الشُّرُوطِ في عقد الهدنة إلى قسمين شرط صحيح مثل أن يشترط عليهم مالا أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلما أو بأمان فهذا يصح. قال أصحاب الشافعي لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم به، فرد أبا جندل ابن سهيل وأبا بصير، ولم يخص بالشرط ذا العشيرة، ولأن ذا العشيرة إذا كانت عشيرته هي التي تفتنه وتؤذيه فهو كمن لا عشرة له، ولكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين المصلحة فيه. ومتى شرط لهم ذلك لزم الوفاء به، بمعنى أنهم إذا جاءوا في طلبه لم يمنعهم أخذه ولا يجبره الإمام على المضي معهم، وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلتهم. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il explique ensuite que l'imam Ibn Qudama, il dit dans Al-Mughni, volume 13 à la page 161, il a mentionné les catégories de différentes conditions dans les ententes ou dans les contrats de trêve ou de paix, des ententes de paix, et il les a divisées en deux catégories. Il a dit une condition qui est bonne, qui est valable, comme par exemple de mettre comme condition qu'ils doivent donner une somme d'argent ou que les musulmans vont qu'ils vont avoir l'aide des musulmans dans un besoin quelconque qu'ils ont, ou bien de donner comme condition qu'on va renvoyer vers eux tout homme qui vient vers nous. On va leur renvoyer, qu'il soit musulman ou qu'il ait une entente de paix. Et ça, il dit, l'imam Ibn Qudama, il dit que ça c'est une entente qui est correcte, qui est valable. Ensuite, il mentionne que les compagnons de l'imam Shafi'i ont dit que cette condition, elle est de renvoyer le musulman vers les mushrikines, c'est seulement s'il a de la famille qui peuvent le protéger. Hein. Et le cheikh, l'imam Ibn Qudama, il a répondu à ça en disant que nous, on a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui supporte ce qu'on a dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Hudaybiyah, dans le pacte de Al-Hudaybiyah. Il a accepté cette condition-là avec eux et il l'a respectée. Et il a renvoyé Abu Jaddal ibn Suhayl et il a renvoyé Abu Basir aussi. Et il n'a pas demandé ou spécifié comme condition que la personne ait de la parenté et aller là où il était renvoyé. Parce que, il a dit, parce que, de toute façon, la parenté ou la famille, si tu le renvoies chez sa chez les mouchriquines et que tu le renvoies à condition qu'il a de la parenté, si c'est sa parenté qui lui font la fitna et qui lui font du tort, eh bien, il va être comme quelqu'un qui n'a pas de parenté, même s'il a de la parenté, mais c'est sa parenté qui lui donne des problèmes. Hein? Donc, dans les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve pas ce genre de clause, de condition là. Il a accepté la condition telle qu'elle. Ensuite, le cheikh il dit ولكن لا يجوز هذا الشرط عند شده الا عند شده الحاجه. Dit le cheikh il dit que on n'a pas le droit d'accepter ce genre de condition là, excepté lorsqu'on est dans un grand besoin et que il y a un bienfait dedans. Et du moment qu'on l'a pris, cette condition-là, et qu'on l'a acceptée, il est obligatoire de la respecter. C'est-à-dire que si les mouchriquines viennent pour reprendre un musulman qui s'est enfui de chez eux, eh bien, on n'a pas le droit de l'empêcher de le reprendre. Il dit, mais mais le dirigeant musulman ne va pas lui imposer de retourner avec eux. Hein? Ils n'ont pas le droit de l'empêcher de le reprendre, mais le dirigeant ne va pas imposer à ce musulman de retourner avec eux. Et il peut, en secret, lui ordonner de s'enfuir d'eux, hein, et de les combattre. C'est-à-dire de s'enfuir d'eux. C'est-à-dire que lorsqu'il le ramène vers chez eux, lui, il ne retourne pas chez eux. Mais il ne revient pas chez les musulmans. Hein, il s'enfuit. Naam. Donc ça, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Qudama. Ensuite, le cheikh il dit, « Wa qala Ibn al-Qayyim, fi zikri ahkam al-sulh al-hudaybiyya, fi zad al-ma'ad, il dit, « Wa minha anna musalahat al-mushrikin » ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه وفيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. انتهى كلامه. الإمام ابن القيم il a mentionné les règles qui ont rapport avec l'entente de Al-Hudaybiyyah dans Zad al-Ma'ad, le volume 3 à la page 306. Et parmi les exemples qu'il a mentionnés, il a dit que qu'il est permis de faire des ententes de paix avec les mouchriquines, même si dans ces ententes ou dans ces conditions, il y a un mal, un mal quelconque pour les musulmans. C'est permis s'il y a un bienfait aussi dedans. C'est-à-dire que on repousse un mal par un mal qui est moins grand. Ok? Tu repousses un mal par un mal qui est moins grand. Et donc ça c'est pour montrer que dans l'islam il y a la règle qui dit qu'on doit repousser le plus grand des deux mâles. Hein, prendre en considération le plus bas des deux. Donc s'il y a deux choix, t'as deux situations dans lesquelles t'es devant un dilemme, une situation compliquée. Et t'as deux choix. Mais ces deux choix sont mauvais. Bien, tu dois regarder lequel des deux est le plus grand mal et lequel des deux est le moindre, et tu choisis le moindre pour éviter le plus grand. Ça, c'est une des règles de l'islam qu'il faut prendre en considération, et que les gens de Bid'a, parmi les égarés, parmi les khawarij, ou bien parmi les ignorants aussi parfois, qui eux, ils ne prennent pas ça en considération. Hein? Ils n'ont pas la compréhension de la charia, ils n'ont pas la compréhension de la sagesse de la religion dans ces questions-là. Eux, ils regardent toujours les choses comme si comme si eux ils sont en position de force alors qu'ils sont faibles et ils réalisent pas parce qu'ils sont trop stupides hein, et faibles d'esprit pour comprendre. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des Khawarij, il a mentionné, il les a qualifiés de Ahdath ul-Asnan et Sufaha ul-Ahlam. C'est des jeunes faibles d'esprit. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas, ils sont stupides. Hein? Ils sont stupides, ils ne suivent que leur passion, ils ne voient que selon les émotions et les sentiments. Ils ne réalisent pas la chose, ils ne regardent pas les choses selon la raison aussi. Ils n'analysent pas les choses de façon rationnelle. Hein? Et surtout les jeunes à l'adolescence, c'est comme ça qu'ils sont. C'est des jeunes, ils suivent leurs impulsions, ils sont très impulsifs et puis ils ne pèsent pas le pour et le contre, ils ne regardent pas les éléments, ils ne jugent pas les choses correctement, ils veulent juste passer à l'action. Hein? Et c'est ça ce qui fait que souvent ils font des choses qui sont par la suite et ils ramènent un plus grand mal pour les musulmans. Le cheikh il dit ensuite, ولذا فعل المسلم ألا يتعرض بمجرد عاطفته التي هي في الأصل محمودة ليتعرض على المعاهدات والمعاقدات التي تكون بين ولاة الأمور والكفار دون النظر في الأدلة كلها على ضوء القواعد الكلية مع النظر في عواقب الأمور التي لا يحسنها في الغالب إلا من أتاه الله الرسوخ في العلم والفهم من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل العلم فإنه لا مجال للاستحسانات والتخرصات والأهواء فيما يتعلق بمصالح الأمة الكبرى فهذا عمر رضي الله عنه يتعرض على الصلح بالدنية وعلي رضي الله عنه يمتنع عن محو البسملة والرسالة استعظاما لذلك وحذيفة رضي الله عنه لو كان له من الأمر شيء لرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يمتنعون عن حلق رؤوسهم من شدة غضبهم والنبي صلى الله عليه وسلم صابر على أمر الله ورسوله وصابر على أمر الله سبحانه وتعالى وصبر على صد أعدائه عن البيت الحرام على صد أعدائه عن البيت عن البيت الحرام وحميتهم الجاهلية وصبر على توقف أصحابه رضي الله عنهم في الاستجابة لأمره. الشيخ الزي. C'est pour ça que le musulman, il ne doit pas s'opposer, yani, aux ententes, aux pactes qui ont été prises par les dirigeants musulmans avec les kuffars uniquement par ses émotions, hein, qui à la base peuvent être des émotions qui sont louables, hein. On dit pas que c'est pas des émotions qui sont louables nécessairement. Peut-être que ce sont des bonnes émotions. Hein? Le fait d'être en colère contre les koufars pour l'injustice qu'ils font aux musulmans, le fait de détester le kofr et le shirk qu'ils font, et de souhaiter voir la religion d'Allah au-dessus, et de le fait de vouloir voir la victoire pour les croyants, tout ça c'est des choses qui sont louables. Sauf que, hein, il faut, comme le cheikh il dit, ces choses-là, il faut qu'elles soient établies, les règles et l'analyse des situations, elles doivent être faites à la lumière des preuves du Coran et de la Sunna, et examinées à la lumière des règles fondamentales de la charia. Et il faut également pouvoir regarder et analyser les conséquences des choses, les conséquences des situations. Et en général, personne ne peut faire ce genre d'analyse-là, excepté celui à qui Allah a donné une science qui est fermement enracinée, et une compréhension également de la religion parmi les héritiers des prophètes, c'est-à-dire les ulama, parmi les hommes de science, hein, parmi les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de place dans ce genre de sujet pour les jugements basés sur l'opinion personnelle ou les choses que les gens essaient d'établir selon leur point de vue personnel ou leur passion ou des choses de ce genre. Hein, ils veulent imposer ça aux autres sans prendre en considération les bienfaits fondamentaux et généraux pour la Ummah. Il donne comme exemple le fait que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il y a eu l'Hudaybiyah, même Omar ibn al-Khattab, il avait du mal à accepter le fait d'accepter des clauses désavantageuses pour les musulmans durant la trêve de l'Hudaybiyah. Il comprenait pas la raison. Et même qu'après avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et puis lui a posé les mêmes questions qu'il a posées au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé les mêmes questions. Et Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, a répondu à Omar ibn al-Khattab de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu. C'est pour dire que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il avait une compréhension plus grande que celle de Omar ibn al-Khattab. Hein? Il avait plus de compréhension de la religion que Omar ibn al-Khattab. Hein? Et c'est pour ça que c'est le meilleur de cette umma après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est plus tard qu'il a compris. Hein? Et Ali, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le contrat de pacte avec les mouchriquines, et que les mouchriquines ont demandé d'effacer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et d'effacer Muhammad Rasulullah, Ali radiallahu anhu, c'était lui qui écrivait. Il refusait de l'effacer. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit efface-le. Efface ar-Rahman ar-Rahim, écrit Bismikallahumma. Efface Muhammad Rasulullah, écrit Muhammad ibn Abdullah. Mais il ne voulait pas, il trouvait ça grave de l'effacer. Hein? Et Hudayfa, il dit le cheikh que Hudayfa radiallahu anhu, la même chose. Quand il a vu la situation, hein, il a dit j'ai presque voulu rejeter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, quand il a ordonné. Qu'est-ce qu'il a ordonné? Et même que les sahaba, radiallahu anhum, ils ont refusé ils ne voulaient pas se raser la tête, hein, parce qu'ils étaient en colère contre les mouchriquins. Et ils ne voulaient pas accepter ces clauses désavantageuses pour les musulmans. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été patient, il a enduré, il a été persévérant dans l'ordre d'Allah, il a été persévérant face à l'empêchement que les mouchriquins faisaient aux musulmans d'aller vers la Kaaba. Et il a été persévérant face à leur entêtement et à leur appel de la jahiliya et à leurs fausses croyances et à leurs fausses pratiques et ainsi de suite. Hein? Et le professeur a été endurant et patient devant tout ça. Et il a été patient aussi devant le refus de répondre à son ordre, hein, lorsque ses compagnons ont refusé de répondre au début. Donc tout ça, c'est des exemples. Le cheikh ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah qui dit يقول ابن تيمية وذكر رفض علي رضي الله عنه محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب من الكتاب ومناظرة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء الكفار الدنية وقول سهل بن حنيف رضي الله عنه لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت وامتناع الناس من فعل ما أمر به من الحلق والنحر ثم قال ثم إنه لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كان ظاهر الصلح فيه غضاضة وضيم على المسلمين. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وثقة بوعده له وأن الله سينصره عليهم، واغتاظ من ذلك جمهور الناس وعز عليهم حتى على مثل عمر وعلي وسهل بن حنيف. ولا ريب أن الذي حملهم على ذلك حب الله ورسوله، حب الله ورسوله وبغض الكفار، ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفر، وأن لا يكون قد دخل على أهل الإيمان على أهل الإيمان غضاضة وضيم من أهل الكفر. ورأوا أن قتالهم لئلا يضاموا هذا الضيم أحب إليهم من هذه المصالحة التي فيها من الضيم ما فيها. ولكن معلوم وجوب تقديم النص على الرأي والشرع على الهوى، فالأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم تقديم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء، وأصل الشر تقديم الرأي على النص والهوى على الشر. فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس له معارضته برأيه وهواه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري. والقصة كانت عظيمة، بلغت منهم مبلغا عظيما لا تحمله عامة النفوس، وإلا فهم خير الخلق وأفضل الناس وعظمهم علما وإيمانا، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة وقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Minhaj al-Nubuwwah, le volume 8 à la page 409. Il mentionne le fait que Ali a refusé d'effacer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le contrat, et que Omar ibn al-Khattab a discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qu'il avait pris comme décision de donner aux kuffars l'avantage dans les clauses du contrat et de l'entente. Et la parole de Sahl ibn Hanif lorsqu'il a dit que si j'aurais été capable de rejeter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais fait. Et le fait que les gens ont refusé de se raser la tête, de sacrifier au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Donc le cheikh il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette entente avec Quraysh, en apparence il y avait un mal et du tort pour les musulmans dans cette entente là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait cette entente avec les mushrikines, il l'a fait par obéissance envers Allah et avec confiance en sa promesse, puisque Allah a promis de lui donner la victoire sur les mushrikines. Mais la plupart des gens ils n'ont pas aimé cette entente et ils n'ont pas été satisfaits de cette entente, comme l'exemple de ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Il n'y a pas de doute que ce qui les a amenés à justement avoir cette colère ou à ne pas être satisfaits de la situation, c'était leur amour pour Allah et son messager, et leur haine des kuffars, et leur amour de voir la foi au-dessus de la mécréance, et de voir que il n'y a pas un tort qui va rentrer sur les croyants, il n'y a pas un tort qui va être fait aux croyants de la part des gens du kufr. Donc ils auraient préféré les combattre pour pas que ce mal soit sur les musulmans, parmi les exemples de désavantages qui avaient été donnés dans cette trêve-là, puisque pour eux c'était un mal. Donc le cheikh dit, mais il est bien sûr connu que il est obligatoire dans la religion de l'islam de placer le texte devant notre opinion, de placer la révélation devant la passion. Et ça, c'est la base. Donc, c'est la base des choses dans lesquelles les croyants se sont divisés. ceux qui ont cru au messager et ceux qui se sont opposés au messager. C'est sur cette base-là qu'ils ont dévié, quand il y a eu une déviation. C'est-à-dire le fait de mettre les croyants, ils mettent les textes devant leur passion, devant leur opinion. Tandis que les autres, la base du mal, c'est de faire le contraire. Tu mets ton opinion personnelle et tes passions devant les textes et devant la révélation. Ça, c'est l'égarement. Donc, celui que Allah a illuminé son cœur par la lumière de la science et de la guidance, eh bien, il va voir qu'est-ce qu'il y a dans les textes de la révélation. Il va voir le bien qu'il y a dedans. Il va comprendre la sagesse qu'il y a dedans et il va se soumettre aux textes des textes, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles de la révélation. Et il ne va pas s'opposer à la révélation par ses opinions à lui et par sa passion. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, je suis le messager d'Allah et je ne vais pas lui désobéir et il va me défendre, il va me donner la victoire. Et l'histoire en question, l'histoire de Al-Hudaybiyah, elle a eu un grand effet sur les croyants, et un grand impact. Ça a été dur à porter pour certains d'entre eux, excepté les meilleurs d'entre les créatures, les meilleurs parmi les hommes, ceux qui avaient plus de science et de foi parmi eux, ceux qui ont donné l'allégeance sous l'arbre. Allah a été satisfait d'eux et il a fait leur éloge. Ce sont les ceux qui ont précédé, parmi les premiers, parmi les muhajirin et les ansar, intaha kalamu. Le cheikh il dit ensuite, يقول ابن القيم ضمن فوائد أحكام الصلح الحديبية في زاد المعاد أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمة الله تعالى وأجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك فكل من التمس المعونة المعاونة على محبوب لله تعالى مرد له وأجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده انتهى كلامه. Le cheikh l'imam Ibn al-Qayyim il mentionne parmi les bienfaits de l'entente de Al-Hudaybiyah dans un al-Ma'ad, à la page 303. Il dit que les mushrikoun, les gens de l'innovation, les gens de la perversité, les transgresseurs et les injustes, lorsqu'ils demandent quelque chose dans lequel il y a un respect des interdictions d'Allah, eh bien on doit répondre à cette demande-là de leur part. Et on doit leur donner on doit les aider dans cette chose-là, même s'ils empêchent autre chose. On doit les aider dans tout ce qui va consister à un respect des interdictions d'Allah ou de la religion d'Allah, mais on ne va pas les aider dans leur mécréance et dans leur transgression. On doit les interdire de tout ce qui est en contradiction avec la religion d'Allah. Mais s'ils nous demandent de l'aide à faire quelque chose qui est aimé par Allah et que Allah aime et que Allah a agréé, alors dans ce cas-là, on répond à leur demande, peu importe qui ils sont. Tant que le fait de les aider dans cette chose-là, qui est aimée par Allah, ne nous amène pas à une chose qui est détestable pour Allah et qui est plus grande que ce bien. Et le cheikh dit que ça, c'est une des questions, parmi les questions les plus subtiles, les plus difficiles et les plus lourdes pour l'âme. Et c'est pour cette raison-là que plusieurs, même parmi les sahabas, ont eu de la difficulté à l'accepter. Hein? Et Omar a dit ce qu'il avait dit, hein, jusqu'à ce qu'il entre dans des actions qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il fasse des actions qu'il a fait après, par la suite. Hein? Donc ça c'est la fin de la citation. Ensuite, un autre exemple qui a été mentionné. Il dit وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت وأنا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم قال ابن القيم في زاد المعاد وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأبا الحسين أن لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم انتهى كلامه. Ça c'est un autre exemple qui nous montre comment le prophète صلى الله عليه وسلم respectait les ententes qui étaient données à des individus parmi les musulmans, hein, c'est-à-dire que les ententes que des individus parmi les musulmans avaient pris avec des mouchriquins. Et ça c'est l'exemple de Hudayfa de l'Yaman radiallahu anhu. Hudayfa radiallahu anhu, il a dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, qu'il n'y a rien qui m'a empêché de participer à la bataille de Badr, excepté que j'étais sorti, moi et Abu Husayl. On était sortis et les koufars de Quraysh nous ont attrapés. Et ils nous ont dit, vous voulez aller retrouver Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour aller combattre avec lui? Et ils ont dit non, on veut seulement aller à Médine. Alors ils ont pris notre parole, ils ont pris une entente de notre part. Et c'était l'entente d'Allah. Ils ont pris l'entente. Ils nous ont pris une entente d'Allah et de son engagement que nous n'allions pas aller combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous allions directement partir à Médine. Alors, nous sommes allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous lui avons donné l'information. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas, respectez l'entente que vous avez pris avec eux et partez vers Médine. Et on demande à Allah de nous aider contre eux. Et on demande à Allah de nous aider contre eux. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit à propos de ça, dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, la page 125, il dit qu'il faisait partie de la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ses ennemis, que lorsque l'un d'entre ses compagnons faisait un pacte ou une entente avec eux, hein, et que cette entente-là ne faisait pas de tort aux musulmans, sans qu'il en soit satisfait, de leur demander de respecter cette entente. Comme l'exemple de l'entente que Hudayfa et que Abu al-Husayl avaient pris de ne pas combattre avec le prophète sallam, et le prophète sallam leur a ordonné donc de respecter cette entente là et de partir, hein, et de ne pas briser leur entente et de demander l'aide d'Allah contre eux. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim à ce sujet. Et ensuite le cheikh, il rapporte un autre exemple. Il dit وروى أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وبوب عليه ابن حبان ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام عن أبي رافع قال بعثني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت الله أكبر. Donc le cheikh il rapporte, il dit comme exemple que l'imam Ahmed a rapporté, de même que Abu Dawood, et ça a été authentifié également par Ibn Hibban et Al-Hakim, et ils ont mentionné à ce hadith-là, ils ont mis comme titre de ce chapitre, l'imam Ibn Hibban il a mis comme titre de ce chapitre, la mention de l'aide de le fait qu'on ne peut pas que c'est pas permis de retenir que l'imam a pas le droit de retenir les gens qui ont une entente ou un pacte et de retenir non plus on n'a pas le droit non plus de retenir les messagers envoyés par les kuffar les mushrikin dans les pays de l'islam. On n'a pas le droit de les retenir ou de les de retenir les gens qui ont une entente de paix ou qui ont un message qui sont des messagers envoyés par les kuffars. Donc c'est rapporté par Abu Rafi', il a dit que Quraysh l'a envoyé vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est arrivé chez les musulmans, il a vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit à ce moment-là, l'islam est rentré dans mon cœur. J'ai ressenti l'amour pour l'islam dans mon cœur à ce moment-là. Alors j'ai dit, ô messager d'Allah, par Allah, je ne veux pas retourner vers eux. Je ne veux plus jamais retourner vers eux. C'est-à-dire, je ne veux plus jamais retourner vers les mushrikines. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, il dit, moi je ne trahis pas mon entente et je ne garde pas les messagers qui sont envoyés par les mushrikins. Alors retourne vers eux, et si quand tu retournes vers eux tu retrouves en toi-même la même chose que tu ressens maintenant, alors reviens par la suite. Et il est reparti chez les mushrikins, puis il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite et il s'est converti à l'islam. Donc ça c'est un exemple comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait les ententes qu'il avait avec les mushrikines, hein, et comment il respectait les envoyés, les messagers des mushrikines, et comment il ne les retenait pas, hein. Et l'imam Ibn al-Qayyim il mentionne cet exemple là il dit وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم ولما قدم عليه رسول مسيلمة الكذاب وهما عبد الله بن نواحة وابن أثال قال لهما فما تقولان أنتما قالا نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لا ضربت عناقكما فجرت سنته أن لا يقتل رسول وكان هديه أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده إليهم كما قال أبو رافع بعثني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيته وقع في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم فقال إني لا أخيص بالعهد ولا أحبس البرد ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع قال أبو داود قال أبو داود وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما أما اليوم فلا يصح هذا وفي قوله لا أحبس البرد إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقا وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال أبو داود وأما الرسل فلهم حكم آخر ألا تراه لم يتعرض لرسلي مسيلمة وقد قال له في وجهه نشهد أن مسيلمة رسول الله انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il dit dans le volume 3, à la page 138, dans Zad al-Ma'ad, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand des messagers de ses ennemis venaient, et que ces messagers-là exprimaient ouvertement leur animosité, hein, leur haine de l'islam, il ne les attaquait pas, il ne leur faisait aucun tort, il ne les tuait pas non plus. Et lorsque deux des messagers de Musaylama, le faux prophète, le menteur, sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'était Abdullah ibn Nawaha et ibn Uthal, les deux sont venus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qu'est-ce que vous dites vous deux? Et ils ont dit, nous disons comme il dit, c'est-à-dire nous disons la même chose que Musaylama, on est d'accord que c'est un prophète. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si ce n'était du fait que vous êtes des messagers, hein, que moi je tue pas les messagers qui sont envoyés, je vous aurais frappé le coup à tous deux. Hein, j'aurais ordonné qu'on vous exécute tous les deux, parce que ce sont des apostats, des gens qui ont rejeté l'islam en croyant que quelqu'un d'autre peut être un prophète après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à cause de son ordre. À cause de son principe de ne pas tuer les messagers, toute personne qui est un messager, il est protégé, hein, dans l'islam, donc il ne les a pas tués, il n'a pas accepté qu'on les tue, parce que ce n'est pas permis de tuer un messager, ou un ambassadeur, ou un émissaire qui vient de la part des koufars. Et parmi les exemples de la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on ne peut pas retenir non plus un messager. Même s'il choisit l'islam, il ne peut pas l'empêcher de retourner chez son peuple. Même qu'il doit le renvoyer, il le renvoie chez eux. Comme Abu Rafi, lorsqu'il est venu, hein, comme on a donné le hadith tout à l'heure, Abu Rafi, il a dit « Quraysh m'a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je suis arrivé, hein, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est rentré dans mon cœur. » Et j'ai dit au messager d'Allah, je ne veux plus jamais retourner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je ne brise pas mon entente et je ne garde pas les messagers envoyés, les gens qui sont envoyés avec un message. Alors retourne-toi vers eux, et si lorsque tu retournes, tu retrouves en toi-même, dans ton cœur, la même chose que tu ressens maintenant, alors dans ce cas-là, reviens. Et Abu Daoud, il a dit ça, c'était dans la période de temps où il avait pris l'entente avec les mouchriquins, qu'il allait retourner toute personne qui venait vers lui, même si c'était un musulman. Toutefois, aujourd'hui, cela n'est pas possible, n'est pas acceptable. Puis, il explique par la suite, il dit, et que je ne retiens pas les messagers, cela fait comprendre que c'est un verdict qui est spécifique aux messagers de façon absolue, et que le fait de renvoyer celui qui est venu de la part des mouchriquins, mais qui s'est enfui des mouchriquins et qui est venu chez les musulmans, et de le renvoyer chez eux, ça c'est seulement lorsqu'il y a cette entente là avec les mouchriquins, comme l'a dit Abu Daoud. Mais si c'est un messager, ça c'est un autre verdict qui est différent. Et il dit, n'as-tu pas vu qu'il ne s'est pas, il n'a pas, il a fait de tort aux deux messagers de Mousseilama, le faux prophète, alors qu'ils ont dit, ils lui ont dit, devant son visage, ils lui ont dit, nous témoignons que Mousseilama est le messager d'Allah, et le prophète ne leur a rien fait, alors que c'était des paroles de contre qu'il lui disait. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Maintenant on va finir juste avec la parole de Ibn Hazm. C'est une courte parole, puis ça va être la fin, on va s'arrêter ici. Ibn Hazm, il a dit dans Maratib al-Ijma' واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت صفاتها وأسماؤها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض وإعطاؤها جائز. انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Hazm il dit dans Maratib al-Ijma' que les savants se sont mis d'accord qu'on doit respecter les ententes et les pactes qui ont été mentionnés dans le Coran, qu'elles sont permises ou obligatoires, et qu'elles sont permises et obligatoires. Et dans les descriptions et les noms ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna également. La Ummah s'est mise d'accord sur le fait que il est obligatoire de les respecter ou qu'il est permis de le faire, et que de respecter ce genre d'entente est une obligation, et que c'est-à-dire de faire cette entente là est permis. Donc ça c'est la fin de ce point là qu'on a lu aujourd'hui. On a fini avec le point numéro 2 parmi les règles qui répondent donc en même temps aux choubourats des gens du takfir qui pensent que de faire ce genre d'entente et de faire ce genre de pacte, que ça c'est quelque chose qui est haram ou contraire à l'islam, ou que c'est kufr, qu'un dirigeant fasse une entente avec les kuffars comme ça, que ça c'est un acte kufr ou des choses comme ça. Donc ici on a la preuve que ces gens-là sont dans l'erreur à ce sujet. Au prochain cours, c'est-à-dire samedi prochain, probablement pas pouvoir faire le cours parce que je m'en vais à Toronto. On m'a invité pour participer à un séminaire là-bas avec les frères du centre de Troy, la mosquée Al-Furqan. Donc je serai pas là-bas, je serai pas ici, je serai pas là pour donner le cours, mais si jamais j'ai la possibilité, je vais le faire quand même. Mais en général, des fois, c'est pas possible. Donc, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis, donc, le cours de la semaine prochaine va pas, en principe, ça risque de pas avoir lieu. Et demain, il y aura le cours de Kashf al-Shubuhat comme d'habitude, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum. ورحمة الله وبركاته.